Quand j'ai parti en sucette, c'est la merde. Mais dis-moi comment on va faire. J'aurais aidé tout ça, mais comment on va faire. Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté. Tout ce temps, je m'en foutais, je faisais la belle là. Je reviens vers toi, tu me dis que c'est trop tard. Je suis plus Pambella, bandé en fleur. Je vais pas mentir, j'ai le seum seum. Faut calmer ton cœur, pardon. Pas les mots qui baissent, c'est trop. Vas-y doucement, pardon. Tout ce temps, je recoulais. Ah non, non, faut pas passer. Ah non, non, faut pas bomber. Bomber. Ah non, non, non. J'ai parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois regretter tout ça, mais comment on va faire. Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté. Moi j'ai parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois regretter tout ça, mais comment on va faire. Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté. Moi j'ai gâté, elle est fâchée, elle fait la teuté. Elle a pas dit son dernier mot, attends s'il te plaît. Je vais t'expliquer. Je me suis fait péter, elle m'a dit entre nous c'est mort. Et si je pars retrouver pas la folle avec mes potes. Je te laisse toutes mes affaires et tous les soirs fais bien les comptes. Et si mes ennemis viennent un jour sonner à ta porte. Tu rôdes sous la voie, y'a mon fusil derrière la porte. On contrôle le cartel, chaque jour y'a l'oseille qui m'appelle. La confiance ça se gagne, fais-moi montrer que dans le bail. Projet parti en sucette, c'est la merde mais dis-moi comment on va faire. Mais comment on va faire. Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté. Bon j'ai parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire. Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté. Je fais confiance en personne, toujours dans le sale. Dis-moi pourquoi tu veux pas que je t'aime avec Melosa. T'as confiance en personne, toujours dans ton sale. Dis-moi pourquoi tu préfères être avec Melosa. J'ai confiance en personne, toujours dans le sale. Dis-moi pourquoi tu veux pas que je t'aime avec Melosa. T'as confiance en personne, toujours dans ton sale. Dis-moi pourquoi tu préfères être avec Melosa.